Bon, on y va là. Bah, Agnès, attends, on attend aussi. Putain, mais elle fait quoi là? La meuf là, bah, ah ouais. Caille en plus. On attend Agnès là. Appelle-la. Vas-y, appelle-la. Vas-y, j'ai l'appelé, tu vois. Ah ouais. Sinon là, ça va. Ah ouais. Hé, s'il te plaît. Aidez-moi les filles. Et Théma, il y a Kojak. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Bien ou quoi? Ouais, allô? Eh ben non, je ne suis pas là, mais t'es bien sur le portable d'Agnès au 06 89 50 60. Messagerie. Allô Agnès, bon bah vas-y, on rentre direct dans la boîte là, je suis devant. Ouais, salut hein. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est hors qu'on y va quoi. Vas-y. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ah pardon, je t'avais pas reconnu. Allez-y, et bonne soirée.